Léonce Vitalijo. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les grandes articulations. Le transport en commun à destination du Rwanda est désormais interdit. Les véhicules de trois agences n'ont même pas été autorisés à quitter le parking situé au marché d'Ichet-Sion dans la matinée de ce samedi. On en parle dans cette édition. Le parti UPRONA prévoit le changement des organes dirigeants au niveau national. Le porte-parole Ponsien Ndayishimiye explique que le mandat des organes en place a déjà terminé. Dans ce journal également, le deuxième vice-président de la République appelle tous les sogestales à régler les impayés dus aux caféiculteurs. Ils ont jusqu'au 31 août prochain. Et puis on parlera des feux de brousse dans la province d'Ngozi. Plus de 20 hectares, plus de 200 hectares sont partis en fumée au cours du seul mois de juillet dans seulement deux communes sur les 9 que compte la province. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Les véhicules de transport des agences Volcano, Horizon et East African Car ont été interdits ce samedi de quitter le parking pour embarquer vers le Rwanda. Les passagers qui voulaient se rendre dans ce pays à partir de Bujumbura n'ont pas de choix que de rester ou prendre d'autres véhicules, pas ceux de transport en commun. Le point avec Evrard et Havzaliman. Étant au parking de bus en destination des pays limitrophes, y compris le Rwanda, au marché appelé chez Sion, ce samedi, ce n'était que des lamentations à l'endroit des passagers qui se sont vus refuser d'effectuer des voyages dans ces pays. Selon les informations de nos éditions antérieures, qui faisaient savoir que désormais les bus ne vont directement au Rwanda, mais qu'il y a d'autres qui attendaient à la frontière burundo-rwandaise, aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. Les bus de l'agence Volcano Horizon East African Car n'avait pas même le droit de quitter le parking. Les passagers hors micro disaient que cette décision aurait été prise par la police. Certains nous ont révélé qu'ils accompagnaient leurs enfants à l'école et d'autres se rendaient dans les affaires familiales et se demandent comment ils seront rétablis dans leurs droits quant à la restitution des tickets qu'ils avaient déjà payés. Au sein de la police nationale, Evrard, on fait savoir que désormais les véhicules de transport en commun à destination du Rwanda sont interdits. Selon le porte-parole de la police, la motivation principale est la mise en application de la récente mesure du gouvernement interdisant l'exportation des produits vivriers de base vers les pays frontaliers. Mais aussi, il y a la question de sécurité. Il a été constaté, selon toujours Pierre Mouriquier, que des perturbateurs de la sécurité empruntent certains de ces véhicules, en l'occurrence ceux de l'agence Volcano. Le parti UPRONA prévoit le remplacement des organes dirigeants de ce parti au niveau national. Le porte-parole de l'UPRONA, Ponsien Ndayishimiye, explique que les institutions en place ont déjà terminé leur mandat, raison pour laquelle les membres du parti vont procéder à leur remplacement le 14 août prochain. Suivez. Ce sont des activités qui viennent pour parachever le processus de mise en place des organes du parti UPRONA de la base au sommet. Nous avons commencé par mettre en place les organes du parti au niveau des collines, au niveau des communes et au niveau des provinces. Maintenant, c'est le tour de mettre en place l'organe dirigeant du parti, donc l'organe suprême, la direction nationale du parti, le président du parti, le vice-président du parti et le secrétaire général du parti. Est-ce que vous allez reconduire les institutions qui étaient en place ou bien vous allez élire d'autres institutions? Non, les organes qui étaient en place ont terminé leur mandat. Nous allons mettre en place de nouveaux organes, le président, le vice-président et le secrétaire général. Mais s'il y a quelqu'un du directoire qui dirigeait le parti UPRONA qui est intéressé à diriger le parti dans l'organe qui va venir, il est le bienvenu, il peut poser sa candidature. Les candidatures sont ouvertes pour tout le monde. Isanganiro, la radio de l'avenir. Tous les sogestales ont jusqu'à la fin de ce mois pour avoir réglé les impayés dus aux caféiculteurs. La date du 31 août a été donnée ce vendredi par le deuxième vice-président de la République lors du lancement de la campagne de taille et de paillage du café dans la province de Cibitoke. Les caféiculteurs, quant à eux, demandent qu'il y ait la transparence dans la commercialisation du café. Le point avec Aubin Nyonguru. Au cours de cette campagne de taille et de paillage du café, les caféiculteurs se sont indignés du prix d'un kilo de café qu'ils estiment très minime vu les efforts et moyens qu'ils réunissent pour cette culture. Joseph Nirabama, président de la Confédération des caféiculteurs, Senac Morimawisange, demande plus de transparence dans la fixation des prix du café. Pour lui, cette fixation doit tenir compte de la qualité du café exporté pour que les caféiculteurs en tirent profit. L'autre défi soulevé par le président de la Confédération des caféiculteurs concerne leur mode de paiement. Les caféiculteurs ne veulent plus les paiements journaliers, a souligné Joseph Nirabama, qui réclame aussi aux sociétés qui leur doivent de l'argent de s'en acquitter. Le deuxième vice-président de la République rappelle qu'ils se sont convenus avec les responsables de ces sociétés que le 31 août de cette année est la date ultime pour payer ces caféiculteurs. Passé ce délai, d'autres décisions seront prises, a précisé Joseph Wutore. Après 4 ans de privatisation de ce secteur café, plus de 65 000 tonnes ont été exportées. Pour cette année, la quantité des exportations s'estime à plus ou moins 16 000 tonnes. Aubin Nyonguru, les feux de brousse se font toujours parler d'eux en province de Ngozi malgré la mesure prise par l'administration de nourrir les bêtes dans leurs étables. Plus de 200 hectares sont partis en fumée au cours du seul mois de juillet dernier et seulement dans deux communes sur les 9 que compte la province. Une information confirmée par l'inspecteur provincial des forêts Apollinaire Muzagara de Ngozi. Les communes Kiremba et Malangara viennent en tête sur la seule colline Nyamugari à cheval sur les deux communes. Plus de 200 hectares ont déjà pris feu. L'inspecteur provincial des forêts indique que de tels feux de brousse sont signalés aussi dans d'autres communes, même s'il n'a pas encore reçu des rapports de superficies déjà détruites. Mais Kiat Nziga Masabo pointe toujours du doigt les éleveurs comme étant responsables de la plupart de ces feux de brousse, et cela malgré la mesure obligeant ces derniers à nourrir leurs troupeaux dans les étables. Ce responsable des forêts en province Ngozi déplore que cette mesure n'a pas été observée avec rigueur dans certaines communes. Il parle même parfois de la complicité de certaines autorités administratives à la base. Certains éleveurs font traître leurs troupeaux dans ces espaces brûlés qu'en pousse de la bonne herbe. D'autres coupent ces dernières pour la ramener dans les étables à la maison. L'inspecteur provincial des forêts indique que des mesures dissuasives ont été prises en concertation avec les autorités administratives à l'endroit de tels éleveurs. Donc aussi, Apollinaire Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire. La population du chef-lieu de la commune Ekabezi en province de Bujumbura se plaint de l'insuffisance, voire du manque d'eau dans les robinets. Selon cette population, le peu qu'il y a arrose les champs de l'organisation OAP. Elle craint que l'épidémie de choléra qui s'est déjà déclarée dans cette commune risque de se propager. L'administrateur communal de Ekabezi n'a pas voulu s'exprimer à la demande de la population qui souhaite que le débit de l'eau soit augmenté dans les robinets. Et puis, il s'observe une flambée des prix des produits vivriers dans la ville de Luyigi. Les prix du maïs et du haricot ont déjà connu respectivement une augmentation de 100% et 50%. Le directeur de la DPAE Luyigi explique que la quantité de vivres mise sur le marché est faible car les agriculteurs veulent économiser leur récolte en vue de faire face à un ensoleillement qui risque de se prolonger. Les précisions de Jean-Claude Nchimilimana depuis Luyigi. Les produits vivriers qui ont plus connu d'augmentation de prix en cette saison 16 au marché de la ville de Ruigi sont notamment le maïs, le haricot, la farine, le riz et les arachides. Pour le maïs, un kilo est actuellement acheté à 800 francs bout alors qu'il était vendu à 400 francs lors de la récolte en avril dernier, soit une augmentation de 100%. Le prix du haricot simple a connu une augmentation de 50% car il est actuellement acheté à 900 francs burundais au kilo alors qu'il était à 600 francs bout lors de la récolte en juillet dernier. La farine de manioc, le riz et les arachides ont également connu des hausses de prix, particulièrement par rapport aux années dernières. La farine de manioc est actuellement achetée à 800 francs au kilo alors qu'elle n'avait jamais dépassé 500 francs. Pendant la saison sèche, le prix d'un kilo de riz oscille entre 1400 et 1500 francs, alors qu'il variait en saison sèche de l'année dernière entre 1000 et 1100 francs burundais. Pour les arachides, ils sont actuellement achetés à 2800 francs le kilo, alors qu'ils n'avaient jamais dépassé 2200 francs le kilo en telle saison sèche, période de la récolte. Quoi qu'il en est ainsi, Fetus Nyabose, directeur de la DPAE Ruigi, indique que la récolte a été globalement bonne, sauf celle de riz. Selon lui, cette flambée de prix est le résultat de la loi de l'offre et la demande par les agriculteurs mettent sur le marché de faibles quantités de produits vivriers pour éviter de manquer de quoi mettre sous la dent au cas où le fort ensoleillement prolongé jusqu'en décembre s'abattrait sur le pays. Face à cette situation, Festus Niabose conseille la population à cultiver les légumes, les pommes de terre, la patate douce et le maïs dans les marais en vue d'obtenir de vivres complémentaires aux récoltes déjà obtenues. Jean-Claude Nshimirimana, Ruigi, Radio Isanganiro. Merci Jean-Claude. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à François Kimana pour la collaboration technique. Excellente soirée à tous. Au revoir.